Bah non, bah si, quand même. D-I-S-I-Z, tu me connais. J'suis là à la cool, discret comme un petit japonais. J'fais mes mouvements smooth, même si tu veux du flow, j'vais t'en donner. C'est la pihaour, mais suce pas trop fort mon robinet. J'ai beaucoup de yaourt. MC, enlève ton masque, ton rap smacky. T'es dépassé, enlève ton jogging, ton Sergio taquine. Entre temps, j'ai voyagé, j'ai mis mon flow au parking. Pendant ce temps, t'as pas pompé, t'as fait du rhyme jacking. Négro, lâche sous la grappe, mort nous ne. Vas-y, marche, trouve un arbre et rappe une heure ou deux. MC, tu pourris le game. Je crois qu'il est l'heure, il est temps d'y aller, tu veux rester, whatever. Ok, ok, t'es un bandit, t'es un méchant, tout ça, t'as tué des gens, tu te fais beaucoup d'argent, tout ça. À ce qui paraît, tu rappes trop bien, mais c'est quand, où ça, essuie le micro, il pue les dents, tout ça. Ton rap de demeure et de gros gogol, ta voiture louée, ta carte gold. Pas d'ancienne ni de la nouvelle, moi j'suis de l'éternelle école. Tu t'en bats pas les couilles parce que t'as rien. La plupart des MC sont des fucking monkeys. Un contrat, une banane et leur cerveau est conquis. C'est des fucking monkeys que des conquis. Veulent que le public soit conquis par leur petit single. Que des fucking monkeys qui prennent leur bise pour un arbre. Signe avec des tarzans qui les attachent avec des lianes. Celui-là il va être lourd. Ouf tes esgourdes, méfie-toi des mecs fourbes avec leurs geeks courbés. Beaucoup font des sous, mais le vent va tourner. Je le vois, je le sens avec le public en tournée. Pendant que t'es en rotation, j'suis en rotation sur scène. Les carottes c'est bon une fois, mais le succès se succède. Arrête tes petits tubes, on veut pas tes sucettes. On veut du vrai, pas du fake, ta musique pue la recette. Petite pute, petite pute. Alors tu veux rapper, je vais t'apprendre un petit truc. C'est pas parce qu'on te kiffe dans ta toute petite rue que tu cries et prétends avoir fait des petits trucs. Montre-moi comment tu kicks, donne-moi de l'attitude. Je te dirai si c'est pour le fric ou si tu as l'habitude. Même si tu pourris le game, je crois qu'il est l'heure. Il est temps d'y aller, tu veux rester, whatever. Ok, ok, t'es un bandit, t'es un méchant. Tout ça, t'as tué des gens, tu te fais beaucoup d'argent. Tout ça, à ce qui paraît, tu rappes trop bien, mais c'est quand? Où ça, essuie le micro, il pue les dents. Tout ça, ton rap de demeure et de gros gogol. Ta voiture louée, ta carte gold. Pas de l'ancienne ni de la nouvelle, moi j'suis de l'éternelle école. Tu t'en bats pas les couilles parce que t'as rien. Courgette, tout est bouché tout frère, mais tout est resté ouvert. Étudie les pistes, puis après remets le couvert. Voulez-vous des sous-chefs, des commandants qui se tournent les pouces en agitant leurs gourmettes? Voulez-vous des boulets? Voulez-vous des coups de tête, des coups de chaise ou des couplets à la Wu-Tang? Tout bête, mais foutez-vous les bootlegs. Couché sous les fougères, militaire et bootcamp. Nouvelle génération, élévation nous-mêmes. Voulez-vous des oulettes? Voulez-vous coucher bourré ou net? Le pouvez-vous, mais souvenez-vous de vos boulettes. Voulez-vous des bouèges, du doux, des doublettes? Sous le foudou houpette, vous goûtez tout et poubelle. Tout est flou et tout clair, vous roulez pour des schtroumpfettes. Poupèche partout, mais voulez-vous les couchettes? J'ai des idées dans la tête et ma tête sur les épaules. J'tape mon flow fort comme Popeye pour alléger mon seau. Merde, faut que j'arrête et j'm'enroule un autre. J'fais vriller mon cerveau, fanatique du hula hoop cérébral. Tout cela me coûte cher, frère. J'suis pas du genre à me laisser faire, donc respecte si tu rentres dans ma sphère. J'suis le genre de spécimen, pessimiste et limite. Les coqs satiriques qui piquent, les timides et limites mon domaine. J'suis mis en quarantaine, j'ai mon kit de survie utile à ce qui brille, futile au frigide qui m'oppresse. Non mais, j'suis un homme de l'ouest, on me le dit souvent. Tu veux pas venir donc tant pis, j'te laisse une veine sur la tempe. Qu'est-ce que tu veux que j'te dise? Voulez-vous des gens qui grondent, des trompes de cons qui combinent leurs conneries sombres? Trop fou, au final tu te demandes ce qu'ils font donc. Car paraît-on, pourquoi compliquer donc je ne vais pas répondre. Voulez-vous du vous écrouler? plutôt les esprits. Car tu le sais, des frères team, des beats et des rimes. Un pic et sa spring, c'est mon aspirine. Le seul moyen qu'a trouvé mon cerveau pour toucher la cime. Faut donner des données musicales, redonner des phases, un scandale, redorer le blason d'un hip-hop qui souvent s'emballe. Sans cesse à l'excès, rapper même si c'est sans sous. Rapper des trucs, travailler même avec un flow insensé. Et si c'est se nourrir de son sans s'arrêter des jours et des nuits pour mieux digérer les enchaînements de mots inédits. Je vote pour, car je te demande pas pourquoi tu respires, pourquoi tu transpires. Et si je le fais pas suffisamment, le besoin empire jusqu'à me rendre fou, jusqu'à me rendre sous. La dépendance est présente et j'irai jusqu'au bout. Techniques, rythmiques, rimes, arithmétiques, ils ont les gimmicks. Le genaï, maniaco, lyriciste, intuitif et viscéral, sans cesse en quête du graal. C'est sous pas, le genaï, maniaco, lyriciste. Si je rappe sans cesse, c'est que je rappe à l'excès. Pas d'excuses, non, j'assume ces dépendances extrêmes, excepter le sexe. Peu de choses m'obsèdent comme ça, sans cesse m'exprimer, exciter mon cycle de l'éric s'incise. Et ainsi, soit-il 6 ou 24 mesures naissent de la cendre mérature, c'est le jeu pour la signature. Oh, je rappe sans cesse, c'est sûr, c'est ma drogue dure à moi, plus qu'une pulsion, mon quotidien, mon seul panorama, mon unique champ de vision. Mon combat, ma mission, disons, moyen de guérison pour lutter contre stress, agression, avisons. La populace, on sort, moi et mon cercle, on dégaine rime par centaines, même quand tous les yeux poussent les cernes. Rap sans cesse, non, ce domaine on excelle. Tu trouveras toujours des stylos bloqués sous nos t-shirts XL. Scellés dans nos veines, essayez donc de nous saigner les hyper bien estimés. Sur sol, c'est du sang hip-hop millésimé. Feeling satisfaction. Traction from the street, crowd reaction. Crowd reaction. Technique, rythme, rimes, arithmétique. Ils ont les gimmicks. Le genaï, maniaco, lyriciste. Intuitif et viscéral, sans cesse en quête du graal. C'est sous pas, lunch, night, maniaco, lyriciste. Technique, rythme, crimes, arithmétiques. Ils ont les gimmicks, lunch, night, maniaco, lyriciste. Intuitif et viscéral, sans cesse en quête du graal. C'est sous pas, lunch, night, maniaco, lyriciste. J'ai sans cesse, c'est pas pour faire bouger les fesses. Mais plutôt les esprits, car c'est des passe mon temps dans la gamberge, le monde marche à l'envers. Je peux pas compter sur TF1 pour éclairer ma lanterne. J'avance vers la trentaine, sans détour et sans crainte. Je prends des coups et je m'enferme, c'est pas assez grave pour m'en plaindre. J'envisage le grand air ailleurs qu'en haut des fêtes. J'écris peut-être pas des grands vers, mais j'espère qu'ils feront effet. Je décris tout à mon échelle, je fais le minimum de déchets. J'ai pas encore touché le ciel, mais je te jure que chaque jour j'essaie. Y'a peu de domaines où j'excelle, celui-là tu peux me le laisser. Retourne faire la vaisselle, désolé si je t'ai vexé. Autour de mes yeux y'a les cernes, le sommeil s'est fait léser. Je suis loin des prix qu'on décerne. Mais si près des réalités, on juge à ce que tu possèdes. On glorifie les faussaires, entre nous et les hautes sphères. Se creuse un fossé obscène, l'ouvrier qui vote les veines. Se tire une balle dans le pied, au royaume des cul-de-chatte. Le roi c'est celui que tu vois boiter. Puis-je attirer votre attention? Je parle comme si j'avais raison. Puis-je attirer votre attention? Je vois plus loin que nous. Les gens m'appellent ENZ, tu peux m'appeler Julien. Parfois j'ai les poches pleines, mais le plus souvent y'a plus rien. On partagera mon assiette, peu importe d'où tu viens. Fais-moi un signe de la tête si ma foi ça t'a fait du bien. Je suis pas dans le communautaire, je suis là pour créer du lien. Il fait tout pour que je désespère, mais je veux encore croire en l'humain. Je suis perdu sans cellulaire, peut-être qu'on m'attend sur Vulcain. Je suis dans le wagon du progrès, j'ai du mal à sauter du train. Tu prêtes pas, les gens sont princes, on te traite en mutin. Dans mes souvenirs d'enfant, il était plus gentil le lutin. Les budgets se coupent au cutter, chacun n'y met pas du sien. L'avenir se discute au Fouquet. Et ça partage le butin. Je bouge avec des princesses aztèques et des princes libyens. Trouve-moi quelque part entre le persil et le cumin. Entre une chape carusse et un bonnet péruvien. Je vis tant qu'il y a du rêve et sans rêve je suis plus rien. Puis-je attirer votre attention? Je parle comme si j'avais raison. Puis-je attirer votre attention? Je vois plus loin que le bout de mon nez, je vise l'horizon. Je pourrais pas plaire à tout le monde, je vais pas dans le sens du vent. Au bout de la vie y'a la mort, je m'efforce de gagner du temps. J'ai la sagesse de l'ancien et la niaque du débutant. Vous pensez que je me vendrai, ne soyez pas insultant. C'est vrai que la musique a fait le bon choix en me recrutant. J'ai fait mes classes en luttant, je voyais les choses en plus grand. Donne-moi une danse vivante, touche pas au régime du camp. Inutile d'appeler l'ambulance, je me soigne en buvant. Du thé ma substance, je demeure endurant. Oh yeah la résistance, déferle en hurlant. Si peu d'élus pourtant, de postulants. Les moutons sont égarés, c'est l'heure de la transhumance. Je continue à parler d'amour même si je passe pour un mutant. Je m'éparpille un peu partout, je suis un artiste ambulant. Un objecteur en puissance, dans la vérité puissant. Je me bats pour donner du sens, on m'arrêtera en me tuant. J'écrase les MC comme des Lucky Strike. Dès que j'ai pris le mic, on s'est cru dans Street Fighter. Yo, passe le mic, mec, avant d'être naze. Hey, assiste à l'arrivée du meilleur artiste à texte. J'prends le micro alors qu'il est même pas sec. T'as craché là-dessus comme dans un bout de latex. Ah ouais, tu pensais que j'étais pas prêt à peine. J'arrive MC qui ta scène avec chacune de mes rimes dans la tête à l'aise. J'rappe comme dans un chalet à Spen. Un track sans moi c'est comme un porno où y'a pas de sexe. Un DJ qui aurait pas de break, un teufur qui aurait pas de bread, pas de crêpes. Comme un costaud qui aurait pas de pec, un ado qui aurait pas de skate, un prono qui aurait pas de bête. Oh, j'en ai sous la basket. J'rappe depuis l'époque de vidéo cassette. Je mange des fruits normal que je prenne la pastèque. Après moi tu t'éteins comme ces putains d'astèques. Connexion normande pour les oreilles gourmandes. De moi c'est pareil, du rap dans le plus simple appareil. Non, ici on ne suit pas les modes, le mic n'est pas un mode. Alors lâche-le maintenant, un clash est inutile. Passe le mic, je bidote mes DJ contaminés, ils ont pris une minée. Les MC ont le relais dans une mimine, calé dans l'autre la divine. Pack si tu veux, fais péter le pack de gros. Passe le gros mine, je rempars ses promis. Mis à part ce détail, ici l'accueil est de taille. J'évite les cueils des feuilles noircies sans travail.